Artemisia Gentileschi, de son nom complet Artemisia Lumi Gentileschi, est née le 8 juillet 1893 à Rome et elle est décédée vers 1856 à Naples. C'est une artiste peintre italienne provenant de l'école caravagesque. Ce sont les artistes inspirés par le Caravage, des peintres baroques. Elle est l'un des principaux artistes de la contre-réforme et est connue notamment pour son usage du clair-obscur. Elle vit dans la première moitié du XVIIe siècle. Elle travaille dans l'atelier de son père, Horacio, qui est lui-même peintre baroque reconnu à Rome. Ce dernier l'envoie se perfectionner en apprentissage chez Agostino Tassi. Cet apprentissage change la vie d'Artemisia, parce que suite à un viol et à un procès, elle se voit contrainte de quitter Rome pour Florence. Son œuvre picturale reste fortement marquée par cet événement. À Florence, elle va se marier et recevoir de nombreuses commandes de tableaux. Elle est la première femme à rentrer à l'Académie. En 1630, elle s'installe à Naples. Judith décapitant Holofernè a été peint entre 1613 et 1615 à Rome. C'est une huile sur toile mesurant 159 cm de longueur et 126 cm de large. Cette œuvre est conservée au Museo Nazionale di Capodimonte à Naples, mais une seconde version est conservée au Musée des Offices à Florence. Elle reprend le thème biblique de Judith et Holofernè, présent dans l'Ancien Testament. Judith sauve son village de la destruction en égorgeant grâce à ses ruses le général venu le ravager. Cette œuvre est sombre et l'usage du clair-obscur par Artemisia Gentileschi lui confère une aura dramatique incroyable. La scène se passe dans une chambre. On peut le voir grâce au lit. On peut y voir trois personnes, un homme couché et deux femmes. Il s'agit d'Holofernè, de Judith et de sa servante. Judith a enivré Holofernè qui ne s'est pas méfié. L'homme ne porte pas de vêtements, mais la femme de droite porte une robe bleue et la femme de gauche porte une robe rouge. L'homme est couché sur le lit, en train de se faire égorger, du sang gicle de sa plaie. Il essaye de repousser les deux femmes sans y parvenir. Elles sont impassibles, tandis que lui ouvre la bouche comme s'il criait et regarde le spectateur. Au premier plan, on peut voir l'homme couché sur le lit, en posture d'infériorité, car il est couché sans moyen de défense. Il essaye de se débattre en tendant les bras pour repousser les deux dames avec le poignard. Il regarde le spectateur, il implore son aide. Au second plan, on voit les deux femmes en train d'égorger l'homme. Artemisia représente la violence pour montrer sa rivalité avec les hommes, peintres, mais surtout pour exorciser la souffrance et la violence liées au viol de Tassi. En choisissant de représenter Judith et Holofernè, elle incite aussi sur le rôle de la femme actrice de son geste, héroïne et non la victime. En parvenant à s'imposer comme une femme artiste de son vivant, elle réalise une prouesse incroyable. Par sa force de caractère et son remarquable talent, Artemisia a donc influencé et encouragé de nombreuses femmes artistes jusqu'à nos jours.